Dialogue à la boucherie charcuterie. Écoutez. Que vas-tu faire à manger ce soir? Tu as prévu? Non, mais je viens d'avoir une idée. Il y a beaucoup de choses appétissantes ici. J'ai envie de faire une côte de bœuf. Qu'en dis-tu? J'adore ça. Et puis, ça se fait au dernier moment. Comme nous sommes en retard, c'est parfait. Monsieur, vous me garantissez que la côte de bœuf sera tendre? Ça m'étonnerait que vous ne soyez pas satisfaite. C'est de la viande de première qualité. Combien serez-vous? Nous serons 6. Ah, vous verrez, vous serez contente. Et comme entrée? Il y a un assortiment de terrines. On pourrait faire un plat de charcuterie. Après, je ferai une salade, un plateau de fromage et une tarte aux pommes. Alors, monsieur, préparez-nous un assortiment de charcuterie. Répétez. Que vas-tu faire à manger ce soir? Tu as prévu? Non, mais je viens d'avoir une idée. Il y a beaucoup de choses appétissantes ici. J'ai envie de faire une côte de bœuf. Qu'en dis-tu? J'adore ça. Et puis, ça se fait au dernier moment. Comme nous sommes en retard, c'est parfait. Monsieur, vous me garantissez que la côte de bœuf sera tendre? Ça m'étonnerait que vous ne soyez pas satisfaite. C'est de la viande de première qualité. Combien serez-vous? Nous serons 6. Ah, vous verrez, vous serez contente. Et comme entrée? Il y a un assortiment de terrines. On pourrait faire un plat de charcuterie. Après, je ferai une salade, un plateau de fromage et une tarte aux pommes. Alors, monsieur, préparez-nous un assortiment de charcuterie.